Ici Andrew Castegan de Puissance Maximale en direct de Janimé avec deux youtubeurs québécois qui commencent à être de plus en plus connus avec leur émission Le jeu c'est sérieux. Je suis en présence de Guise et Laurent. Comment ça va? Ça va très bien! Hey, en synchro! C'est incroyable! Donc, en fait, on va parler un peu de vos deux channels, parce qu'en fait, Laurent est ici, donc on va vous parler, le jeu est sérieux, parce qu'en fait, votre kiosque, c'est ça, mais en même temps, Guise, tu fais des choses plus indépendantes qu'on va parler plus tard. Donc, en fait, les gars, le jeu, c'est sérieux. Comment vous pouvez nous décrire l'émission? Ben, en fait, le jeu, c'est sérieux, ça a commencé sur un trip. Laurent et moi, on s'était rencontrés au Geekfest, puis on jasait de jeux vidéo, on se parlait de nos collections. Puis, à un moment donné, sur un coup de tête, on a dit, hey, ça serait le fun qu'on fasse des let's play, comme sans prétention, comme ça, on joue, sans préparation. On arrive devant un jeu qu'on connaît pas ou peu, ou qu'on n'a pas joué depuis 10, 15, 20 ans, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Puis faire des let's play un peu plus élaborés, dans le sens que, bon, il y a certaines, surtout nos premières capsules, on avait des intros un petit peu plus retravaillées, mais là, ces temps-ci, on a moins le temps, malheureusement, de faire ça. Mais le but qu'on puisse voir les deux personnes sur le divan et voir le gameplay en même temps, je trouve ça, c'est pas nécessairement compliqué. Puis ça ajoute beaucoup à ce genre de capsule-là, parce qu'on trouve souvent des gameplays sur YouTube, mais c'est vraiment juste le jeu. Tandis que là, on a nos réactions, on a nos faces. C'est un peu plus humain. Et aussi en même temps, ben vous êtes pas comme les joueurs du grenier ou des choses comme ça, vous jouez pas juste à des mauvais jeux. Comme j'avais vu que vous aviez joué à Super Retour vers le futur 2 sur la Super Famicom, qui le verdict était c'est atrocement dur, mais c'est quand même le fun à jouer. Ben exactement. Donc, le but c'est pas juste de jouer à des mauvais jeux. C'est sûr que des fois on est toujours curieux de jouer aux jeux qui sont qualifiés de mauvais. On a fait Dr. Jekyll, Mr. Hyde, puis c'est une catastrophe, là, comme n'importe qui a essayé de passer ce jeu-là. C'est aussi d'être objectif, parce que, tu sais, oui, il y a des jeux qui sont mauvais, mais il n'y a pas juste des mauvais côtés. Puis souvent, c'est dans un contexte humoristique que des gars comme le joueur du grenier ou Angry Video Game Nerd vont juste aller chercher les points négatifs du jeu puis pour le descendre. Ils vont chercher juste les segments. On voit pas vraiment du début à la fin comment ils se rendent. Nous, c'est vraiment en direct. C'est un live-to-tape, si on veut. On voit vraiment comment qu'on commence, comment le jeu devient de plus en plus difficile et comment on abandonne ou qu'on réussit. C'est vraiment l'expérience de si on avait loué le jeu dans les années 80-90. Exactement la réaction qu'on aurait eue, le gameplay qu'on aurait eu, sans aller voir sur Internet. Des fois, on y va en plein milieu de gameplay si on est bloqué. Puis, exemple, dans une récente dans Robocop, on ne trouvait pas comment changer d'arme. Fallait faire pause, puis ensuite peser sur Select, où je me souviens pas. Ouais. Fait que là, Laurent est allé voir sur Internet. Mais sinon, on essaie de se démerder sans l'Internet, comme dans les années 80-90, qu'on avait seulement le manuel pour se sortir de pétrin. Puis sinon, en tant que tel, on voit en arrière-plan, dans le fond, la collection de Guise. Est-ce qu'on peut être prudent en disant que, dans le fond, le jeu, c'est sérieux? C'est, dans le fond, votre bibliothèque personnelle à vous. Dans le fond, c'est des jeux que vous sortez de votre bibliothèque, que vous retestez, des choses comme ça. C'est pas... C'est les originaux, là, dans le fond, ouais, que mais vous c'est avez. Ça, c'est souvent les jeux que Guise a achetés, parce que c'est Guise qui a la collection la plus importante entre nous deux. Moi, j'ai une petite collection sympathique, là, mais rien d'extraordinaire. Mais... Je m'efforce quand même à amener, comme quand je suis allé au Japon, je suis revenu avec une MSX2 et le Metal Gear original. Ben ça, j'ai voulu montrer à Guise c'était quoi, de montrer aussi aux spectateurs, parce que c'est une console qu'on connaît pas ici. C'est une espèce de Commodore 64. Puis la version de Metal Gear est nettement supérieure sur cette machine-là que sur l'atrocité que Konami a faite sur Nintendo. En un mot, je pense que Laurent gagne la palme d'or pour celui qui a le plus de consoles. Lui, ouais. Il collectionne des consoles rares, comme la MSX2, c'est vraiment quelque chose de très cool. Beaucoup de consoles japonaises. J'ai essayé de le doubler dans un coin rond puis de me trouver une Famicom, mais la mienne ne fonctionne pas. Donc, Laurent a la Famicom, la Super Famicom, la MSX2. J'ai un Turbo Graphics qui ne marche pas. On a des Vectrex, tant toi que moi. C'est ouais, toi, en fait. Chacun un Vectrex, qui est une console... Une console avec la TV intégrée, avec des jeux. C'est vraiment spécial parce que c'est des vecteurs. Donc, toutes les images partent du point central pour faire des vecteurs. C'est vraiment particulier. Puis vu qu'il n'y avait pas de couleur dans ce temps-là, chaque jeu vient avec une acétate qu'on peut mettre dedans. D'ailleurs, il faudrait faire des gameplays là-dessus pour montrer ça. Parce que c'est très rare. On va trouver un moyen de filmer ça. Le premier jeu de Star Trek de l'histoire est sur la Vectrex. Et on l'a! une fierté personnelle, comme tu peux voir. Toujours. Alors, les jeux, c'est... Puis, tu parlais de notre collection personnelle. Oui, moi, je suis le genre de gars qui aime beaucoup se lever de bonne heure le dimanche ou le samedi matin pour aller au marché aux puces puis essayer de trouver les jeux mal étiquetés. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui parce que, malheureusement, même le petit vendeur au marché aux puces a un iPhone et va voir sur eBay combien ça vaut. Fait que c'est de plus en plus difficile de trouver des deals, mais bon, on essaie. Pas combien ça vaut, mais combien ça se vend ou combien c'est affiché. C'est ça le problème des fois. Il y a des gens qui vont afficher beaucoup trop cher. La cassette ne vaut pas ça. Là, le marchand s'obstine à vouloir vendre le même prix. Ça marche pas. Non, et des fois, il dit... il me monte un lien eBay avec un jeu qui est scellé. Puis lui, il vend juste la cassette. Il dit, regarde sur eBay, c'est 150$. Mais non, le tien, il n'est pas scellé puis il n'y a pas la boîte. Commande. Mais aussi, en même temps, comme le jeu est sérieux, on voit que vous avez joué au Super Famicom, vous avez joué au Nintendo, mais aussi, vous ne restez pas juste forcément dans les consoles de Nintendo. Vous allez aussi explorer le Genesis, vous allez aussi dans les autres consoles. Non, on l'a fait quelques fois. C'est sûr qu'on est deux personnes qui avons grandi avec Nintendo et la collection la plus importante de jeux, c'est celle de Nintendo de Guise. Mais oui, effectivement, on tente d'explorer d'autres consoles. Là, on a... C'est une question on doit régler des problèmes techniques, moi, c'est ça. Parce qu'avant, on avait un magnétoscope pour faire fonctionner les vieilles consoles qui ont... parce que la Nintendo a l'avantage d'avoir des prises RCA en plus de la prise RF. Tandis que les vieilles consoles, c'est RF seulement. Puis en ce moment, on n'a plus de matériel pour l'enregistrer. Sinon, en tant que tel, au niveau du jeu, le jeu, c'est sérieux. Est-ce que vous avez des projets en stand-by actuellement? Est-ce que vous avez d'autres idées, peut-être, pour ajouter à la série, dans le fond? Il y a une idée de capsule mettant en vedette Guise qui découvre des consoles modernes, des jeux plus modernes. Ça, on a mis ça sur papier. On va voir où est-ce que ça va se rendre. Puis, ça pourrait être intéressant. C'est que c'est un peu une blague comme quoi on serait pas capable de jouer à des jeux récents. Donc, je me suis acheté une Wii U, puis je vais la déballer devant la caméra, puis l'essayer, puis essayer de jouer à des jeux d'aujourd'hui, voir si je me débrouille ou s'il y a trop de boutons. Puis il va y avoir également une portion interactive. Ça, je pense qu'on va garder un peu le mystère autour de ça, mais ça va être des capsules dans plusieurs segments et le public va être invité à participer. Bien, parfait, merci beaucoup. Sinon, Guise, on va parler un peu de ton solo. Tu as un channel, Guise DP, sur YouTube. On peut te voir faire du pixel art avec des shooters ou encore des jelly beans. Mm-hmm. D'ailleurs, que j'ai trouvé excellent avec Sub-Zero, où à la fin, tu le manges carrément. Ouais, ça sonne un peu bizarre. Là, ouais, mais faut le voir. Pourquoi mais c'est ça, mais c'est de la radio, c'est le but. Mais, que ça sonne un peu étrange, faut que le monde aille voir. Ouais, c'est bon. mais aussi, en même temps, on t'a fait aussi certains vidéos musicaux avec du stop motion. Mm-hmm. Puis aussi en même temps, là, c'est, comme j'ai posé la question, c'était plus le cas, mais tu as déjà été ambassadeur Machimina. Mm-hmm. Puis aussi en même temps, tu participes quelque chose aussi à Douteux, ouais. Notre web télé et web radio sur le web. En tant que tel, Guise, est-ce que tu considères que ta chaîne YouTube, c'est un peu comme vraiment ton dada principal ou comme un supplément pour les gens qui te voient dans le jeu, c'est sérieux et qui veulent plus de Guise? C'est un peu des délires personnels. Je l'ai laissé un peu de côté dans les deux dernières années. Ça m'a fait un peu de peine parce que justement, je travaillais chez Machinima à temps plein. Emploi que j'ai quitté justement pour me concentrer sur mes deux chaînes, mettre plus de temps, mettre plus de détails, plus de froufrou, plus de... Tu sais, aussi niaiseux que les intros et les outros, juste visuellement améliorer tout ça. Parce que ma chaîne GuiseDP, ça a toujours été mon bébé. C'était pendant 2 ans, j'ai presque fait une vidéo par semaine. C'est toujours quelque chose de pété, quelque chose de visuellement, soit en pixel art, soit que c'est une parodie de quelque chose. C'est vraiment un pot pourri de moi, finalement. T'sais, c'était pas... Il n'y avait pas vraiment de ligne directrice sur cette chaîne-là. Donc, est-ce qu'on peut considérer peut-être que tu vas avoir des projets, d'autres projets qui vont démarrer sur GuiseDP, comme on avait vu que tu avais commencé, comme je disais, les vidéos musicaux en stop motion, mm-hmm. que tu avais fait. Puis en plus, j'ai remarqué que tu as commencé à te faire remarquer aussi sur la scène internationale, avec la vidéo avec les pixel art de Donkey Kong aussi, mm-hmm. qui avait été beaucoup montré sur Internet et qui avait fait le tour aussi de certaines émissions américaines. Oui, sur Kotaku.com, ça avait passé à CNN à Cincinnati. Il m'avait demandé la permission. J'ai trouvé ça cool parce que je passe souvent en France sur... j'ai un blanc. Il y a une chaîne qui a une émission un peu dans le même genre que Vlog de Dominique Arpin qui passe des extraits de clips. Puis souvent, les Français m'écrivent à chaque semaine « Ah, ils ont passé tel clip! Ah, ils ont passé tel clip! » Mais eux, j'ai jamais demandé la permission. Je sais pas encore c'est quoi la législation sur YouTube. Non, mais c'est parce qu'en même temps, ils te font un peu de la promotion. J'imagine qu'ils mettent... eux, non, ils mettent pas mon adresse. Pour ça, ils mettent pas ton adresse? Non. tout cas, il y a du monde qui t'ont reconnu, mais s'ils t'ont reconnu, probablement que t'es reconnaissable. Oui. Avec mes cheveux roux, mes lunettes, puis ma barbe. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ben oui, je te regarde, puis ça pourrait être toi. Mais je vais faire quelques petites questions à Raphaël, Guise et Laurent, peut-être pour que le monde vous connaisse. C'est des petites questions que j'ai posées à d'autres personnes, voir vous, votre cœur est acquis. C'est quoi le pire jeu que vous avez joué, que ce soit pour le jeu, c'est sérieux, ou dans votre vie personnelle, toute console confondue? Le pire jeu, Laurent? Ben c'est sûr que Pac-Man sur Atari, la version Atari est assez mauvaise, mais Pac-Man en soi n'est pas un mauvais jeu, donc je peux pas vraiment dire ça. C'est sûr que Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est assez mauvais. C'est pas si pire. Après avoir vu des let's play là-dessus, Zombie Nation? Ah, Zombie Nation. Zombie Nation. Zombie Nation. Zombie Nation, c'est mauvais, c'est un jeu qui est... C'est l'histoire que tu as une tête de samouraï volante et que tu dois anéantir des méchants que c'est pas clair, qui ont tous transformé les gens en zombies. C'est pas clair. Puis là, t'as une tête de samouraï volant qui vomit des... Non, c'est ridicule. Jeu qui est ridicule, c'est plus la prémisse. J'avais le jeu en boîte, il était excessivement rare et je l'ai vendu à monsieur ici qui l'a payé quand même assez cher. On se dira pas le montant, mais c'était moins cher que sa valeur. Je suis tout à fait d'accord. Je suis très content de mon sa valeur est de quoi? 500$ quand c'est complet? Ouais. Donc, ouais. Parce que le jeu s'est pas vendu parce qu'il est trop mauvais. Mais dans les mauvais jeux, moi, j'aurais Tabou de Sixth Sense au NES, qui est un jeu de tarot que tu fais juste poser une question au début puis ça tire des cartes puis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe puis à un moment donné c'est fini. Ouais. Tu sais, t'imagines-tu, t'as payé, puis j'avais encore l'étiquette originale, c'était 59,99 chez Zellers dans les années 80. Puis la pochette, comme dans la boîte, il y avait comme une grosse map qui avait l'air un peu comme des stats de RPG. Tu sais, avec tous les items que tu pourrais avoir, mais non, c'était des stats de tarot. Donc, et sinon, en tant que tel, le meilleur jeu que vous avez joué? Moi, je suis assez fan de la série Metal Gear. Donc, n'importe quel Metal Gear Solid, moi, je suis vendu. J'ai hâte d'essayer le cinquième opus qui va être divisé en deux segments. Je trouve ça un peu cave, mais je vais quand même acheter les deux. Ouais, vraiment impatient de jouer à ça. Moi, je pense que le meilleur jeu de mon enfance, qui était un mix parfait entre RPG puis action, puis ça serait un Link to the Past au Super Nintendo, c'est le jeu que j'ai le plus de souvenirs, qu'on était quatre chums, il y en avait juste un qui avait la manette, puis qu'on regardait ça comme un film, puis on disait « Non, va là! » Là, la scène dans Dark World avec la tête de lapin, puis avec... Non, c'est... J'ai pas joué depuis des années, à part faire un survol, mais je me souviens encore de pas mal tout. Mais sinon, rétroactivement, faut mentionner The Little Samson. Ouais. C'est vraiment un bon jeu qui est sorti vers la fin... assez court, par exemple. Vers la fin du NES. Assez court, mais quand même conçu par les gens qui avaient travaillé sur Mega Man. C'est vraiment un jeu le fun. Puis, justement, méconnu du public, mais excessivement cher. Excessivement difficile à trouver également. Et on l'a! Tu l'as. Votre console favorite? Super Nintendo. Moi, ça serait Nintendo. Ouais, Super Nintendo. Puis là, j'essaye justement de... qu'on vise un peu plus, qu'on lâche un peu Nintendo pour 2014, essayer d'aller voir ailleurs, puis Super Nintendo, essayer de trouver des meilleurs jeux. Moi, je trouve qu'à partir de la Super Nintendo, c'est là que les producteurs de jeux ont commencé à être paresseux, puis que les graphiques ont commencé à devenir plus importants que le gameplay. Puis ça ne s'applique pas à tous les jeux. Mais il y a quand même des ça s'applique pas à tous les jeux. Oui, je suis d'accord, il y a des pertes. Mais c'est à partir de cette console-là qu'il a commencé à avoir de la paresse et que les gens, c'était des graphiques meilleurs que tout avant, puis tout, mais que le jeu, c'est plat. Puis il n'y a pas de... J'ai pas de challenge, j'ai pas de... Bon. Aussi, à partir, je trouve que c'est peut-être plus à partir de la 64, les jeux sont faciles. Il n'y a plus de challenge, puis les jeux étaient plus longs, ouais. On meurt plus. Ouais. Recommandation, je vais essayer Dead Soul. Ouais. Ou Dark Soul, excuse. Dark Soul. C'est sur PS3. Ouais. Ben, je l'ai entendu parler, je l'ai dit au niveau, passé, au niveau du challenge, là, c'est dit que les jeux sont pas challenging. Non, aujourd'hui, PS3, je touche pas à ça. Console avec des CD, là. Non, tu vas toucher à ça dans le cadre de notre nouveau projet. Bon. Et pour conclure les questions à rafale, la console qui vous a le moins impressionné? Attends, faut que je réfléchisse. Je réfléchisse. La Saturne. Non. Tu me fais de la peine, là. Ben oui, la Saturne. Ils l'ont sorti en surprise 6 mois avant sa sortie officielle. Mais il y avait quelques bons jeux. PS2 s'en venait. Mais il y avait quelques bons jeux, Vincent. Je sais pas qu'il y avait des mauvais jeux, mais elle m'a pas impressionné. La Dreamcast est mille fois meilleure. Non, ça, pas, non, je d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Toi, Guiz? Moi, c'est la 64. Celui qui a inventé la 3D, là, je l'ai. Bon. Mais non, c'est pas vrai. Non, ouais, j'ai pas vraiment de console qui... Ah, attends. Ouais, j'aurais dit Xbox. Mais je suis tellement pas Microsoft. Il y a pas un maudit jeu exclusif sur Xbox. Xbox 360, Xbox One, parce que celle-là aussi est assez minable comparativement à la PlayStation 4. La puissance est pas au rendez-vous. Microsoft a vraiment... en tout cas, j'ai de la difficulté à les suivre. Là-dessus, je trouve qu'ils ont fait un mauvais coup. Je trouvais quand même que la Xbox 360 était une console valable. Elle ne m'attirait pas, moi, mais je comprends qu'elle s'est vendue énormément, puis qu'elle détient sa place, surtout en Amérique du Nord. Mais moi, ça ne m'appelle pas. Tu vois, on voit tout de suite que Laurent, c'est un chroniqueur techno, et moi, je suis un artiste qui fait des conneries. Ouais. Non, mais je veux dire, dans notre duo, là, Laurent est le gars technique, puis moi, je suis un peu le gars impulsif... Sous le coup de qu'est-ce que je pense de mon moi-même selon mon vécu. C'est vraiment... surtout qu'on arrive dans des technicalités, voyons. Soit je me prête de dire des mots. Je sais pas trop quoi dire. Puis c'est les consoles, je vais toujours trouver quelque chose que j'ai apprécié, un jeu, un souvenir. Puis à chaque fois qu'on me demande ma console préférée, je vais toujours un game room avec les consoles. J'essaie de les voir visuellement. Puis comme, ah non, il y a un jeu cool. Ah non, ici aussi. Ah non, ça c'était le fun. Ah, ça c'est beau. Fait que... Elle est belle, les boutons se pressent bien. Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait aussi aller dans un cliché et dire le Virtual Boy de Nintendo. Pis... Ouais. Comme ça, ça, c'est. Est-ce qu'on peut vraiment le considérer une console qui n'a même pas eu ce jeu? Je pense qu'il y en a eu 12. Il n'y en avait pas 10. En tout cas. Ouais, il n'y en avait pas 10. Bien joué. Ben parfait. Ben, merci de votre temps, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne fin de festival. Puis on va vous souhaiter bon succès dans les projets. Moi, je suis abonné à votre chaîne, fait que c'est sûr que je vais suivre ça patiemment et passionnément. Fait que j'aime ça voir vos petits délais. En plus, vous buvez de la bière, moi. Ça, ah oui. T'sais, descendre irlandais, là, ça m'accroche. On va se reprendre ce soir. Ah ouais. Ah, merci beaucoup. Aussi? C'est quoi ça, des conventions sans bière? Non! Donc, merci beaucoup. Merci à la prochaine. Merci.